Level. Ibido. Crum, crum, crum. Mamuna, stakadakadai. Bitch. Sa méchant. Il s'en moyen, mais bot, il aime plan 4. Il pas aimé, reste tout bout de forti à 4 pattes. Il n'y a big machine, gabay god. Big machine, gabay god. Mazé la panique, j'ai tout fait, c'est pétasse. Il aime belle la vie, pas qu'à travail. Il aime bougalo, bougal, c'est max. Mais c'est les premiers qui critiquent maman en caille. Toute soirée, c'est les premiers qui n'y passent. Champagne, Nancy, en carré, y'a papa les bail. Pas à GG, mal les restes, il aime Elias. Mais là, ni combien fait qu'il a capété, bon, die boy. Chat-chat a mangé un gouille, man. Si parle ou pape, c'est pas fort tout garçon. Dis si trop pas qu'à monter, man. Il n'y a belle véranda et trop frais au balcon. Ou ni Honda Yamaya, ça facile pour chayer ça. Ou ni Ducati Suzuki, ça facile pour kiki. Débile l'argent ou assiré l'année, fais ce qu'à fond. L'année, attend. L'année, oreiller, puis l'année, string, attend. Tellement aux gens, on comprend ses sexes, yo cavan. L'année, bridjol. L'année bricabane, l'année ça aussi qu'a fait qu'aussi yo patan. Baby si ou salobo nous faut pas faire genre. On est style ou ni tol, ni manger ni alcool, yeah. Chat-chat a mangé un gouille, man. Si parle ou pape, c'est pas fort tout garçon. Si trop pas qu'a monter, man. Il n'y a belle véranda et trop frais au balcon. Ou ni Honda Yamaya, ça facile pour chayer ça. Ou ni Ducati Suzuki, ça facile pour kiki. Ti citron pas qu'à monter mon. Sous royal con, friki royal con. Elle est bonne mais elle déconne. En foire l'eau des bacon. Allez bom bom Caraïbe dom tom. Allez bom bom gérant à la London. Des vergons des chats salibon donne. Belle balcon pour le luxe elle donne. Chat chat a mangé un gouille man. Si parle ou pape c'est pas fort tout garçon. Ti citron pas qu'à monter mon. Il n'y a belle véranda et trop frais au balcon. Ou ni Honda Yamaya, ça facile pour chayer ça. Ou ni Ducati Suzuki, ça facile pour kiki.